caramel. Alors que le groupe Total Energy s'apprête, j'en parlais la semaine dernière, à construire le plus long oléoduc de pétrole brut chauffé du monde, 1445 km entre l'Ouganda et la Tanzanie, avec pour conséquence le déplacement d'environ 100 000 personnes de leur zone d'habitation et de vie, et cela évidemment sans compensation financière, le but étant de transporter du pétrole enfoui sous les eaux et les rives du lac Albert en Ouganda vers le port de Dar es Salaam en Tanzanie, générant d'après des ONG environnementales qui ont travaillé la question une émission de 34 millions de tonnes de CO2 par an, et bien le même groupe Total vient d'annoncer un bénéfice net pour l'année 2022 de 20 milliards d'euros, dont 17 milliards seront redistribués aux actionnaires, 10 sous forme de dividendes, 7 par rachat d'actions. Reste finalement plus beaucoup pour investir dans les énergies durables. De son côté, le groupe LVMH annonce cette semaine également 14 milliards d'euros de bénéfices pour la même période. La BNP 10 milliards, quant à Vinci 5 milliards, dont la moitié vient de la gestion des autoroutes construites. Rappelons-le, avec des fonds publics, on ne remerciera jamais assez le Premier ministre de l'époque, Dominique Villepin, d'avoir eu cette idée lumineuse. Enfin, on n'est pas au bout de nos surprises, puisque dans les temps qui arrivent, il y a encore plein d'autres groupes qui vont annoncer leurs bénéfices de l'année, et ça risque d'être assez croquignolesque. À un moment où le gouvernement construit une réforme de la retraite, avec augmentation de l'âge de la prise de cette dite retraite à 64 ans, en s'appuyant sur l'existence d'un futur, dans un futur proche, d'un déficit des caisses de retraite de 12 milliards à l'orée des années 2030, une taxe sur ces super profits ne suffirait-elle pas à éponger ce déficit à venir? Déficit à venir est d'ailleurs hypothétique. Et bien interrogé sur la question, le ministre de l'économie répond par la négative. D'ailleurs, il a déclaré en même temps « Ah non, les super profits, je ne sais pas ce que c'est ». De son côté, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, devançant les critiques, s'est empressé de déclarer dans la semaine, dans une interview au Figaro, je cite, accrochez-vous bien, je vous jure, c'est vrai, je préférerais que Total Energy gagne 10 milliards de moins et que tout le monde soit un peu plus raisonnable sur ce sujet. Ajoutant quelques instants plus tard, ne pas comprendre pourquoi ces critiques, alors que son groupe était déjà largement mis à contribution, puisqu'il payait 33 milliards de dollars en taxes dans le monde, donc plus de 2 milliards d'euros en France, en taxes et cotisations sociales. Encore heureux, pourrait-on rajouter goguenard. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le bal des Tartuffes est toujours en course, à l'image de Gérard Larcher, ce sémillant président du Sénat, qui reconnaissait dans la semaine également, je cite encore, qu'une réflexion sur le partage des valeurs s'imposait. Allez, cachez ce super profit que je ne saurais voir. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 34, réalisé par Valentin Jiquel. Ce soir, je suis en compagnie de Rémi Panossian, Max Delporte et Frédéric Petitpré du trio RP3, histoire de parler de leur dernier album Sun Monkey et Voltage. Et puis Perrine Crubilé nous donnera dans quelques instants envie ou pas d'aller au restaurant avec sa chronique fourchette, couteau et verre à vin. Et on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Montée il y a une quinzaine d'années par deux anciens musiciens du groupe Interface, le premier groupe électro-jazz toulousain, Minimal Orchestra a depuis plusieurs fois changé de formation, passant du duo à trio pour revenir en duo il y a 5 ou 6 ans. Jusque-là constitué de Thomas Terrien, clavier-machine, et de Pierre-Jean Trouette à la basse, Minimal Orchestra sortira en mars prochain un album, Lift Off, 6 ans après la sortie du dernier. C'est vous dire si ces jeunes-là prennent leur temps. C'est La Voux et le deuxième single tiré de cet album à venir après Beat 2 que l'on avait déjà écouté ici même en septembre dernier sur une rythmique très drum and bass. On y entend Thomas Terrien y tricoter des riffs, des boules mélodiques et des impros avec un son de clavier très spatial. Et puis, surprise, on y entend également les nouveaux compagnons de jeu de ce duo, maintenant quintette, trois musiciens, Thomas Koenig au sax et à la flûte, Nicolas Algans à la trompette et Florent Hortal à la guitare. Ces trois nouveaux musiciens qui renforcent le propos et installent la musique de Minimal Orchestra dans un courant drum and jazz plutôt hybride au croisement de la jungle, du jazz et de l'électronica. Minimal Orchestra, c'est La Voux, extrait de Lift Off, leur nouvel album qui sortira en mars. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Je n'en sais rien, Perrine Crubilé. Je ne sais pas quel est ce bordel. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je pense que ça ne marche pas à gauche. Mais la gauche ne fonctionne pas beaucoup depuis un petit moment. Quant à la droite, n'en parlons pas. Mais peut-être que là, le signal était quand même un peu faible. Mais allô. Vous l'entendez. Allô, allô, Perrine Crubilé. Vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Ah oui, c'est bon. C'est bon. Vous me recevez. Formidable. Moi, je me reçois à droite. Donc voilà. N'en soyez pas fière, Perrine Crubilé. Donc, attendez, je tourne. Pour rassurer tous ces aficionados qu'elle rameute à coups de mails et de posts Facebook pour dire ce soir je passe dans Caramel Mou, elle est bien à ma droite. Elle est bien à ma droite, effectivement. Et on a beau se dire qu'on ne s'entend pas, on est les yeux dans les yeux. Et ce soir, Perrine nous parle une fois de plus de restaurant. Oui, ben oui, il y a un mois quand vous m'avez convoqué pour cette chronique. Convoqué le mot, oui. Convoqué, oui. Ouais, j'ai cru que j'allais devoir en faire une à charge sur les restos de Toulouse qui chauffent avec leur salle avec les fours. Ah ouais. Ou ceux qui, beaux et lisses sur le papier glacé de leur table en marbre, vous pèlent les fesses sur leur chaise en métal. Ou vous donnent encore plus envie d'aller manger une fondue, hein, mais au chaud chez vous. Et il y en a un paquet. Et finalement, j'ai adopté une toute autre stratégie. Bon, j'ai été contrainte et forcée. Convoquant ici Rousseau, non pas Jean-Jacques, un festival de Cannes et la chaleur et la générosité, et il en faut. Rendons-nous au sentier de la Cannes. On convient du rendez-vous, le menu sera unique et le choix du plat précisé en amont, viande ou poisson. L'accueil se fait au comptoir d'une table avec un choix pour les apéros, mais pas de 51, seulement des 59. Réchauffé, on peut passer à table et apprécier l'ultra fraîcheur d'une salade de saison, bouturée et cultivée sur place. Le circuit du producteur au consommateur n'aura jamais été si court. Salade verte et tomates fraîchement cueillies. Bon, à ce stade, je dois commencer à lever le voile sur cette adresse, car cette entrée contenait déjà ce que trop peu souvent l'on s'autorise à manger cru et qui comporte tous les atouts d'un fameux croque-sel, une courge râpée, qu'on appellera le giromont, qui est une sorte de potiron. Une espèce endémique, ainsi qu'un petit boudin blanc bien relevé. Bon, vous commencez à sentir les effluves légères du feu de bois. Ouais, vous entendez le chuintement des feuilles en haut de très, très longs arbres et de ces sortes de pieds de maïs là, qui nous entourent. La lumière qui envahit les quatre horizons de la pièce. Vous entendez le rire d'Hortensia Rousseau. Eh ben, c'est le moment du poisson-chat. En courbouillon, petits légumes cuits et gratin de patates douces. Là, encore une fois, on se rend compte que l'on ne mange pas assez de gratin de patates douces. Ou bien que la patate douce n'a pas le même goût ici. On réalise aussi qu'on ne pêche pas assez de poisson-chat dans la vie. Ouais, que c'est vraiment bon, cette toute petite joue de solilès, avec ce jus de légumes et ce piment et toutes ces choses simples qui sortent du chaudron magique de Jean-Claude et Hortensia. Mais où est cette adresse démoniaque ? Ancien expatrié en métropole et revenu sur leur terre galante. Pour y tenir depuis 25 ans une exploitation agricole adossée à une table et chambre d'hôtes. Jean-Paul, longtemps représentant de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, a sillonné toute la France jusqu'à devenir compagnon de la confrérie des vins du Quercy. Ami de notre regretté Tignus, breton par perfusion, et reste maintenant un peu au calme avec, suite à un petit AVC il y a 3 ans. Mais continuant avec sa femme d'afficher sur leurs larges murs des messages, des portraits, des affiches qui témoignent de l'esclavage, des méthodes de culture ancestrale de mai 68 et des retraites. À l'actualité, Hortensia et Jean-Claude. Au fait de l'actualité. Tout à fait. Et surtout des rires amples qui retentissent longtemps. Bon, enfin voilà. Allez, un petit flan coco et un petit rhum ordage et pour vous pousser hors du temps ou dans un hamac. Il faudra bien ça pour oublier demain et le retour au four chauffant. Alors ne cherchez pas, hein, les sentiers de la canne.free.fr ne fonctionnent plus. Mais je vous conseille pour y accéder de passer par le sentier de la Hanse Feuillard. Faites une halte à la cabane de Robinson Crusoe. Longez la mer sur les plages de sable, sur les cailles, jusqu'à la Hanse de Piton. Prenez à gauche dans la forêt, montez. C'est un peu raide, hein. J'avoue que j'en ai un peu voulu à mon accompagnant, parce qu'il me disait « on arrive bientôt ». Pas du tout, mais la récompense est de taille. Et on se fait accueillir par nous comptant, vous autres. Voilà, ça, ça veut dire on est content de vous voir et nous aussi. Ah ouais, et là, tranquillement, vous êtes en train de nous donner un restaurant à la Guadeloupe. À la Guadeloupe. Avec un petit côté île au trésor pas désagréable, mais vous êtes en train de nous dire que si on veut manger ça, il faut aller à la Guadeloupe. Voilà, et à Marie-Galante, plus précisément. Mais de qui se moque-t-on dans cette émission, Périne Grubillet? Bah, écoutez, de qui se moque-t-on? Avec votre édito, moi, je me dis que mes deux kilos de CO2, là, c'est bon. C'est vrai que Elf va en émettre 35 millions pendant au moins 5 ou 6 ans par an. D'accord, mais quand même, c'est pas raisonnable, Périne. C'est pas raisonnable. C'était ça ou des fours chauffants pour des salles de restaurants froides à Toulouse, avec ce qu'on a dans l'assiette et on ne sait pas combien ça pèse en CO2. Bon, enfin, Je vous remercie. Voilà, bon voyage. Ah ben oui, mais il reste plus que ça. Il va falloir y aller en pédalo pour pas alourdir notre bilan carbone. Merci, Périne, et à très vite. Ouais. Là, on vient d'écouter RP3, le Rémi Panossian Trio, avec un morceau Wisteria Forever. C'est Forever? Ouais. Ah non, mais vous n'allez pas commencer à vous moquer de mon anglais. Moi, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous n'allez pas vous réveiller maintenant. Fallait le faire il y a bien longtemps. Monsieur Fred Petitpré. Mais l'anglais de Fred n'est pas phénoménal. Forever quand même. Forever. J'ai jamais pu chanter Claude François, Magnolia Forever. Je n'y arrivais jamais. C'est pour ça que finalement j'écoute du jazz. Rémi Panossian, Fred Petitpré, Maxime Delporte, les trois musiciens du Rémi Panossian Trio, RP3 maintenant qu'il faut dire, avec ce morceau donc à la gloire d'une série américaine que l'on a bien connue ici en France, Desperate Housewives, les femmes désespérées. Pourquoi ce titre ? Alors, c'est pas exactement la gloire de cette série. Ah, ouais. C'est Fred qui... Évidemment. Évidemment. Non, en fait, vu que j'ai récemment fait l'acquisition d'une maison. Oui, Rémi. Et dans cette maison, il y a une glycine. Et du coup, je commençais à être un peu relou à parler tout le temps de ma glycine qui était formidable. Chaque fois que je le voyais, sublime. C'était la glycine par. Elle est belle ma glycine. Est-ce que c'est bien la glycine ? C'est Rémi à la découverte du. De la nature. Du coup, Fred a fait imprimer un t-shirt qu'il a offert à Rémi. Un t-shirt. Alors devant, il y a écrit Wisteria Forever. Et derrière, enfin de l'autre côté, il y a écrit Je peux pas, j'ai glycine. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et c'est vrai que c'est bon. C'est comme d'habitude chez vous, il y a plein de titres à coucher dehors, mais on en reparlera un peu plus longtemps dans cette émission. Vous êtes là donc pour parler, entre autres, parce que vous n'en avez finalement pas tant besoin que ça, de votre dernier album Sun, Monkey et Voltage. Ça va là, c'est bien. Moi de toute façon, Monkey. Maintenant c'est Monkey. Bon. En fait c'est le choc premier, ah ouais, voilà. Et après une fois, après, d'un coup là, c'est comme rentrer dans la piscine, c'est un peu froid. Donc je répète, le dernier album du RP3, Sun Monkey Voltage, paru il n'y a pas très longtemps. Fin octobre. Voilà, c'était à l'automne. Septième album, ce qui fait une belle moyenne, lorsqu'on sait que vous existez depuis une douzaine d'années. Ouais, 13 maintenant, je crois. Ouais, vous êtes dans la 13e. Un rythme de croisière qui est difficile à tenir ou pas ? Qui est difficile à tenir, pas pour nous, pas en termes créatifs, parce qu'on s'en sort plutôt bien, on a toujours des idées qui arrivent à fleurir comme ça, mais par contre après oui, il faut arriver à le tenir du niveau de production, de financement et de tout ça, mais pour l'instant on s'y tient quoi. Bon, cette année on en a sorti deux, oui. Mais parce qu'il y avait le Covid avant. Mais voilà, il y en avait un qui avait été enregistré dans des conditions très particulières, vous étiez venu nous le raconter en mai dernier, juste avant votre passage à l'écluse Saint-Pierre. À feu l'écluse. Voilà, un album qui devait s'enregistrer en public pour fêter vos 12 ans d'existence, sauf que le concert en question est tombé en plein dans le Covid, n'avait pas eu lieu. Et qui devait être à Séoul. Voilà. Donc ça avait été compliqué. Donc vous avez refait des choses ici à Toulouse, c'était quoi ? C'était au Bikini, c'est ouais, ça ? Oui, exactement. Hein, l'enregistrement a eu lieu au Bikini, mais sans public. Voilà. Pour un album live sans public, effectivement. Standing ovation, enfin la foule. L'ingénieur du son était debout. Les caméramans aussi. C'était assez un formidable. Public en Lego, on avait. Mais voilà, la seule chose qui peut expliquer que cet album ait été facile à construire, c'est que ça n'était que des extraits de vos albums précédents pour fêter cet anniversaire. Ouais, c'était une sorte de best-of. Ouais. On avait pris deux morceaux de chaque album précédent et qu'on avait réenregistré en live. Mais il y avait un intérêt aussi, au-delà du fait de reprendre et de faire un florilège comme ça des morceaux, c'est de les jouer au goût du jour. Parce que pour la plupart, on a choisi des morceaux qu'on aimait beaucoup et qu'on a joués depuis qu'on les a enregistrés énormément de fois sur scène. Et donc, il y a beaucoup d'évolutions, ouais. Beaucoup de changements. On a voulu les réinterpréter tels qu'on les ressent aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ces différences, et après on va peut-être parler de ce nouvel album, mais ces différences, elles se matérialisent comment ? Une façon nouvelle d'attaquer le morceau ? Alors je pense que déjà, dès le départ, ce qui permet de le faire, c'est la liberté qu'on s'accorde tous les trois les uns avec les autres quand on interprète cette musique, qui est la nôtre en fait. Et donc on se laisse énormément de place pour l'émotion et donc le sensible. Et après... Bah, Ouais, non, je pense que c'est principalement ça. Ouais. C'est... Il n'y a pas deux versions pareilles de chaque morceau. Donc ouais, et puis surtout qu'on joue pas un morceau qu'on a écrit il y a 10 ans, on ne va pas le jouer exactement de la même façon. Quoi. Ça, je l'ai bien compris. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi vous... Mais on a acquis une certaine maturité. Ah ouais, c'est ça. Il y a une régression aussi. Hein. Ah. C'est des choses... Maturité, régression, il faut choisir. Non, mais c'était une manière beaucoup plus inclusive, tu vois, de jouer les morceaux. C'était beaucoup plus intellectuel avant. On réfléchissait beaucoup plus. Maintenant, on s'en fout. Donc en fait, on joue du rock binaire avec deux notes. Et puis c'est pas mal. Burt Bacharach est mort hier. Ouais, il y a peut-être une place à prendre. Ouais, et je l'ai eu au téléphone 4 jours avant. Il allait super bien. Je lui ai dit, écoute, Burt, je viens te voir la semaine prochaine. On fait encore un morceau comme on a l'habitude d'écrire ensemble. Voilà. Et il m'a dit, ouais, je t'attends. Et bim. Et puis terminé. Parce qu'il a pas supporté l'attention. L'attention. Ouais. Bon, allez, on va reprendre un peu les choses. Un peu sérieuses. Enfin, je ne sais rien. Après tout, vous faites comme vous voulez. Je le disais, cet album, le sixième était sorti donc en mai. C'est cet album live dont on vient de parler, enregistré au Bikini. Comment on se remet à travailler sur un septième album après en avoir produit un sixième juste avant, et puis le cinquième était de toute façon pas si éloigné que ça. Mais comment on réattaque la préparation d'un nouvel album ? Comme tu l'as dit, le sixième, en fait, vu que c'était un live, c'était dans le cours des choses, quoi. On n'a pas beaucoup travaillé dessus, on a juste répété. On l'avait enregistré longtemps avant, surtout. Oui, en plus. Ouais. Donc là, on l'a sorti à ce moment-là parce que les portes étaient réouvertes pour pouvoir jouer. Mais même juste avant ça, on avait déjà commencé à travailler sur le nouvel album. Et pour la création, Max avait émis le souhait de passer à la basse électrique. Au début, on lui a dit non. On a fait une réunion avec une demande préalable. Ça, il a fait tout, il a rempli tout un formulaire. Et puis finalement, avec Rémi, on s'est pillé. Avec une lettre d'intention. Oui, bien sûr. Une lettre de motivation. Une motivation. Ouais. Ah. Ça a pris très longtemps. Et une fois qu'on a validé ça, du coup, ça a amené... C'est le niveau juridique, en fait. Une fois que ça a été validé, on s'est mis à travailler dessus. Et du coup, ce nouvel apport de la basse électrique, ça nous a mis dans une certaine direction. Et ça a été super de travailler là-dessus. Quoi. Par exemple, et après, on parlera avec Maxime Delporte. C'est pas la peine. Qui a l'air d'avoir une verve ce soir, il faut en profiter. C'est parce qu'il y a la basse électrique que les claviers deviennent aussi électriques à un moment donné, Rémi Panossian, et cette fois parler dans le micro. Bien sûr, oui, pardon, c'est vrai qu'il est là. C'est sa première interview, il est un petit peu nerveux. Oui, c'est ça, j'ai pas l'habitude. Mais je vais le décontracter. Reprenez un peu de ce Wemgang magnifique que vous nous avez amené ce soir, avec modération, bien entendu. Bien entendu. Donc, c'est le fait que la basse électrique arrive qui donne des envies aussi d'électrifier le piano, puisqu'on entend du piano, des claviers électriques sur cet album. Oui, on a rajouté quelques-uns parce sur certains morceaux où on se disait qu'il y avait besoin d'un peu d'autres structures, d'autres matières qui aillent dans ce sens-là, justement, avec des morceaux un peu plus funky, un peu plus ou un peu psyché sur certains titres. Et oui, on est allé un peu dans ce sens-là. Après, il y a beaucoup de piano acoustique aussi, parce que j'aimais bien aussi le côté du trio, comme avait Petrucciani à l'époque, quoi, avec basse électrique, batterie et piano acoustique. Et donc on a commencé à faire un mélange un peu des deux. Et oui, c'était super plaisant. Et je pense que même pour le prochain, sans spoiler l'avenir, on va peut-être aller encore plus dans cette voie-là. Basse électrique, Maxime Delporte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on laisse tomber un instrument quand même auquel vous étiez très attaché, construit pour vous, avec vos mensurations, avec votre doigté, enfin, je veux dire, il est vraiment construit pour vous, c'est pas quelque chose que vous avez trouvé dans une brocante. Non, c'est Christian Lacroix qui m'avait appelé, il m'a dit, écoute, je veux te faire un instrument sur mesure. Et... Ah. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est... Je suppose. C'est aussi, il y a une chose, c'est qu'on tourne beaucoup à l'étranger, enfin c'est pas ça, mais là c'est une parenthèse que je fais, on joue beaucoup à l'étranger, c'est très difficile de transporter ma propre contrebasse et c'est très difficile d'exprimer tout ce que je veux avec une contrebasse qui n'est pas la mienne pour des concerts qui sont ailleurs. Malgré tout, on est sur scène, on défend notre musique et on a envie de faire plaisir avec, donc des fois c'est terriblement frustrant avec un instrument qui n'est pas suffisamment jouable, enfin auquel j'arrive pas forcément à m'adapter autant qu'avec le mien. Donc des fois, il faut quand même sourire, il faut montrer qu'on est là. Ça fait mal. Même quand on a mal au bout des doigts, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, mais c'est surtout que le son sort pas de la même manière. Enfin, il y a pas deux contrebasses qui se ressemblent, quoi. Donc, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais avec la basse électrique aussi, c'était rigolo parce que pendant une dizaine d'années, on a joué du rock ou des musiques qui se jouent avec des instruments électriques, mais avec une instrumentation classique du trio jazz. Et il y avait ce décalage. Moi, ça me trottait quand même. Vous définissez la musique du trio de Rémi Panossian comme du rock? Oui, en fait, en termes d'influence, des choses qu'on mettait dedans. Il y avait même du reggae, du dub, de la funk. En fait, on ne se pose pas trop la question parce que quand on écrit la plupart du temps ensemble, et l'influence de l'un ne sera pas celle de l'autre, même s'il y a des choses qu'on écoute et qu'on aime écouter ensemble. Mais ça fait une espèce de méta-style, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fabrique parce que ce qui va m'influencer dans ce que va jouer Fred, ce n'est pas forcément ce qu'il attend de moi. Et que du coup, ce que ça va provoquer dans mon jeu, ça va donner des idées à Rémi qui n'existeraient pas si on avait fait quelque chose qui était conventionnel ou préétabli, quoi. La basse électrique, le truc qui est génial, c'est que je peux voyager avec ma basse électrique et que je peux monter le son et le volume quand Fred joue trop fort au maximum. Parce que, ce qui arrive souvent. Parce qu'on aime jouer très très proche sur scène, même si le plateau est très grand, on aime être proche. Moi, par exemple, je ne prends pas de retour. J'ai un piano à côté. Un super piano, voilà le problème aussi. Non, mais attends, il ne prend pas de retour. Un retour dans la contrebasse, ça fait du Larsen. Un micro devant. Et donc, c'était difficile. C'était même douloureux parce que j'ai beau jouer le plus fort possible sur la contrebasse, acoustiquement, la sonorisation de l'instrument ne permet pas d'être au niveau. Après, en façade, pour le public, c'est possible. Mais le confort sur scène, c'est difficile. Ouais. Avec la basse électrique, si je ne veux plus entendre Fred, je tourne tous les potards de mon ampli à fond, hein, comme Pastorius, même si je n'arrive même pas à l'ongle de pied de Pastorius, on est d'accord. Mais par contre, vous n'entendez plus la batterie. Voilà. Et là, je suis tranquille. Si c'est le but recherché. Et là, musique. Si c'est le but recherché. Parfait. Moi, je fais du air drumming des fois pour leur faire plaisir. Ouais. Et des fois, on se dit, mais il est où en fait. Non, je rigole un peu, mais non, c'était. Voilà, c'était étonnant. Je le disais juste en début d'émission et de cette séquence lorsque j'annonçais votre morceau. Maintenant, on ne dit plus Rémi Panossian trio, mais RP3. Est-ce que c'est la façon de marquer que le trio a été à un autre niveau que lorsque vous l'avez monté, Rémi Panossian? Ah oui, alors en plus, ça date normalement du troisième album, en fait. On a essayé de faire ça dès le troisième album, parce que le premier album, je l'avais écrit quasiment en entier avant, et on l'a peaufiné ensemble, on avait écrit 2-3 morceaux ensemble, et dès le deuxième, on a écrit ensemble, en fait. On a décidé de tout signer ensemble et de travailler dans cet esprit-là. Et nous, l'esprit qu'on a, c'est un esprit de groupe de rock, dans le sens où il n'y a pas de remplaçant. On n'a jamais fait un concert sans l'un des trois. Quoi. Sans l'un des trois. Ni même sans moi. J'aurais tellement aimé. Mais donc du coup, voilà, ça a toujours été ça l'esprit, quoi. Et ça l'est toujours, que ça s'appelle Rémi Panossian Trio ou RP3. L'avantage, c'est que RP3, si par exemple on trouve un pianiste qui s'appelle Roger Pouillon, par exemple. Et bien oui. Et du coup, ça marche. Il y en a plein sur les kinés, par exemple, tu vois. Roger Pouillon Trio, RP3 directement. C'est l'avantage. Donc conclusion, moi je peux jamais faire partie du Rémi Panossian Trio. JK, ça le fait pas. Il y a 13 ans, Rémi Panossian, vous avez monté donc ce trio. C'était quoi le but du jeu? Vous sortiez d'une aventure avec Julien Dutu en duo piano-contrebasse. Si je me souviens bien, Maxime Delporte devait encore traîner avec le sextet ou le septet d'Abdou Salim. C'était à peu près ça. Ouais. Frédéric Petitpré, peut-être avec Magadis, Artichaut, je ne sais pas si ça avait déjà... Avec Abdou Salim. Et avec Abdou Salim aussi. L'Artichaut aussi. L'Artichaut en parallèle. Et l'Artichaut avait déjà commencé. C'était quoi le but du jeu lorsque vous êtes allé chercher de nouveaux compagnons de jeu? Le but, c'était que moi, j'avais un très bon rapport avec mon producteur à l'époque, qui s'appelait Yann Martin. Il s'appelle toujours Yann Martin, exactement. Mais c'est plus votre producteur. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup je lui ai dit écoute, on a arrêté avec Julien, mais moi j'ai quasiment un album de près, qu'est-ce qu'on peut faire? Et allez, tu veux la vraie anecdote? Ah ben oui. Ok, à l'époque il me dit écoute, enregistre une maquette et après moi je te produis et tu vas enregistrer aux États-Unis avec des stars américaines. Et moi j'étais là non, parce qu'après je vais pas tourner avec eux, enfin tu vois. Et du coup j'ai appelé Fred, j'ai dit voilà, on va faire un trio, avec qui on le fait? Et il me dit ce serait cool d'être avec Max, puisque on se connaît, en plus on a déjà joué. Et je propose à Max, ils disent oui. On fait une répète, on enregistre la maquette direct. Après j'envoie ça à mon producteur, et là pas de réponse pendant un mois, deux mois. Moi, t'es là, ah d'accord. Et puis un jour, il me rappelle, il me dit, bon, j'ai écouté, en fait, c'est super, tu vas enregistrer avec eux, on sort l'album en trio comme ça. Et j'étais là, oh putain, c'est génial. Et en même temps, dès ça, j'avais commencé un peu à prospecter, parce que j'ai toujours rêvé de jouer en Asie et tout ça. Et donc, on avait déjà des dates de tournée pour aller en Corée, au Japon et tout ça, et au Venezuela. Et à partir de ce moment-là, l'aventure a commencé. Mmh. Ils ont lâché tout leur groupe qui était nul. Et ils sont. je rigole. Évidemment que je rigole. Et du coup, c'est devenu le groupe prioritaire pour tout le monde. Quoi. Avec effectivement un travail en tournée, un travail sur la scène qui est important pour RP3. Vous en êtes à combien ? 500, 600 concerts en 12 ans ? Oui, c'est ça, on doit être ça, ouais, à peu près. 500, 600 concerts. Donc une grosse partie. Et ça paraît assez surréaliste dans le sud-est asiatique, Corée, Chine, Japon. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'être aussi populaire dans ces pays du sud-est asiatique ? En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on a commencé là-bas et on a eu la chance de rencontrer un agent en Corée. Suite à ça, une autre personne au Japon. Et en fait, ça a très très bien marché. On a fait des premiers concerts qui ont cartonné. Après, on a commencé à faire des télés, des trucs comme ça. Et depuis, on y va deux fois par an, hors Covid, évidemment. Et ça marche du feu de Dieu là-bas. Et on est ravis de ça parce que c'est un public extraordinaire et qui nous rend notre implication et notre amour de ces pays au centuple. Quoi. Valentin Jiquel, qui est le réalisateur de cette émission, me faisait remarquer tout à l'heure une question effectivement que je ne m'étais jamais posée. Il me disait, ah ouais, ils vont jouer dans le sud-est asiatique, mais il y a du jazz là-bas, on n'en entend jamais parler. Et effectivement, je me suis dit, ah ben c'est vrai. Il y a une scène dans ces pays-là, notamment au Japon. Sûr, ouais. Il y a une scène qui est même très ancienne, enfin au Japon en tout donc, cas. Donc quand je dis une scène de jazz. Hein. Une scène de jazz, tout à fait. Bah déjà au Japon, il y a toutes les scènes qu'on peut imaginer, je pense. Hein. Ils sont quand même très sur la musique en général. Même une scène salsa. Donc il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même de la musique chilienne. Au Japon, il y a autant des festivals de jazz que des clubs de jazz, mais des clubs de jazz où il y a peut-être des jauges à 30-40 personnes maximum, notamment. Ou à l'époque, en fait, quand ils se sont intéressés au jazz, des musiciens de jazz notamment d'Amérique du Nord, étaient très contents d'aller y jouer parce qu'il y avait un respect, un silence, une attention pour leur musique. Un point même où, par exemple, sur l'île d'Okinawa, un club où on a eu la chance de jouer, un petit club, il y a 35 places sur des tabourets. Et à l'époque où Chet Baker faisait des tournées et allait jouer à Tokyo, il prenait l'avion pour jouer à Okinawa. Et dans ce club, par exemple, il y a une collection de vinyles de jazz, tous les Blue Notes, tous les trucs d'époque et tout, donc il y a vraiment un véritable intérêt pour ça. Puis il y a un côté, là pour le coup c'est dans un bon sens, puis un côté conservateur aussi, qui fait qu'il y a certains vieux lieux comme ça qui sont, un peu comme en Allemagne, il y a ce truc là aussi, on a joué dans des clubs, et qu'il y a beaucoup moins en France j'ai l'impression, parce qu'en France après il y a un turnover peut-être qui fait que les trucs se défont, c'est tant mieux, puis c'est très basé sur les festivals aussi j'ai l'impression, après il y a toute la scène parisienne avec les clubs historiques, mais au-delà de Paris, franchement, dans les villes en France, après peut-être je fais des oublis là, mais il y a pas. En tout cas, c'est moins fréquent. Mais il y a pas autant que genre au Japon, on a pu voir des choses vraiment qu'il y avait, c'était une institution quoi. Mais tu te rappelles même au niveau de la culture, on s'est retrouvé dans des supermarchés ou dans des bars qui pouvaient sembler complètement fous. T'as Coltrane qui passe quoi. En playlist. En France, tu vas à Carrefour, c'est rare quoi. Ah oui, Verschuren assez souvent, mais Coltrane effectivement pas souvent. Bon, c'est vrai que les États-Unis ont quand même, j'allais dire, été occupés. Le Japon a été occupé très longtemps par les États-Unis, par l'intermédiaire de pas mal de bases militaires. L'un voit peut-être expliquer l'autre, mais par contre, comment se fait-il qu'on connaisse peu finalement de musiciens de jazz japonais en Europe ? Parce que là aussi, ça doit exister, puisqu'il y a une scène existante. Ouais. Il doit y avoir plein de musiciens japonais. Il y en a. Non, vas-y. Non, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. Il y en a des fameux là-bas qu'on a rencontrés, qui sont presque des divinités. Comment il s'appelait le trompettiste qu'on avait croisé qui était Teru Masaino. C'est une légende. Yoshio Suzuki aussi, le contrebassiste. Et puis t'en as plein qui sont partis à New York aussi. T'as parlé des Japonais qui partent là-bas. Après des Coréens, il y en a plein aussi. C'est une scène qui est beaucoup plus récente, mais t'en as qui ils inondent vraiment les écoles de jazz américaines. Mais il y a un niveau. On a fait des masterclass et des concerts aussi à l'université à Séoul notamment, l'équivalent de la fac de musicologie par exemple. Les jeunes, il y en a la moitié qui vont aller à Berkeley. Hein, et on a joué aussi, on a fait une tournée avec une chanteuse coréenne qui avait fait Berkeley, qui a joué beaucoup en Europe aussi. Song Yeon-jun. Ouais. Et mais qui ont un niveau incroyable et une volonté. Même alors un truc hyper touchant, c'est que quand on est allé à l'université il y a quelques années, il y avait des élèves, sachant qu'on allait venir, ils ont relevé nos morceaux, même des impros, des trucs qui n'avaient jamais été écrits, bien sûr. Et ils ont fait les partitions de ça, et ils ont joué devant nous. Après, alors, on a quand même aussi l'exemple de Yoon Sun-na, qui est une chanteuse voilà. Les plus ouais. Connues. Mais c'est la seule chanteuse voilà. Coréenne qu'on connaisse en France. Ouais. Maintenant, il y a Songyi qui arrive. Ouais. Qui tu peux retourner le raisonnement, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait tant de musiciens français qui soient connus au Japon. Hein. Ouais, mais enfin, il y en a quelques-uns. Hein, je parle. Moi, je me souviens de Michel Petrucciani, je dois avoir à la maison 4 ou 5 albums enregistrés. En live, bien sûr. Live au Japon, il y en a quand même quelques-uns. Mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, je suis persuadé que en fait, d'une manière générale, j'ai l'impression que quand on est parti dans les pays étrangers, en fait, le jazz qui s'exporte partout, en général, oui, c'est le jazz américain. Et ouais. Souvent, après, bah, tu as des niches pour quelques jazzmen européens comme des grandes stars, tu vois. Ouais. Le trio d'Esbon Benson, par exemple, c'est des gens qui sont connus dans le monde entier. Mais qui s'exportent partout dans le monde. Oui, voilà. C'est ça. Mais des stars de chez nous qui seraient des stars là-bas, enfin de manière contemporaine, moi, je ne suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. Ce qui est important dans ce que vous venez de dire, Fred Petitpré, c'est que vous êtes une musique de niche. Et ça, ça me fait voir la vie d'une autre façon. Bon, reparlons un peu de cet album. Finalement, on en aura peu parlé. Puis de toute façon, vous n'en avez pas trop besoin. J'ai vu le nombre assez dithyrambique. On peut le chanter si tu veux. Oh, mais ça j'aimerais bien. Ah, ça, je suis assez preneur. De chronique qui commence à paraître pour en parler, superbe chronique dans Télérama et j'en passe et des pires. L'idée de départ, outre le fait d'accueillir la basse de Maxime Delporte, la basse électrique de Maxime Delporte, c'était quoi? C'était toujours creuser un peu plus le sillon sur cette espèce de pop and jazz que vous pratiquez depuis une dizaine d'années. Comme a dit Max tout à l'heure, en fait, nous on se pose pas la question quand on écrit de la musique. On écrit des morceaux, mais moi je peux arriver avec un bout de morceau ou même un morceau en entier et on va le travailler. Fred il va arriver avec deux morceaux pareils, Max aussi, et on se met dessus et à un moment ça peut arriver de se dire ah non mais attends, mais moi là j'entends un passage ultra rock à la fin qui défonce tout, ou alors mais non finalement on va faire en balade. On n'est pas là en train de se dire tiens on va faire un morceau rock, un morceau funk, un morceau machin. On a tous des influences différentes et on essaye de faire en sorte tu imagines le truc. Bon allez, on va faire un morceau funk. 3, 4. Alors écoutons d'abord le se passe rien. Funky, allez c'est parti. Donc, en gros notre leitmotiv c'est de faire notre musique et sans aucune arrière-pensée ou quoi que ce soit, on fait notre musique, ce qui nous inspire sur le moment, des images, des moods, des machins. Ça me fait penser en fait, des fois on doit quand même faire par des petites concessions, adapter quelque chose dans cette musique par rapport au public. Je pense au dernier concert qu'on a fait, on a fait deux taquins et trois jours après, on a fait le New Morning. Le New Morning à Paris. Le taquin, c'est petit, c'est génial parce que ça fait vraiment club. Tout le monde est debout. Pour la jauge, pour garantir pour que les gens puissent entrer. Et pour très proche, la rentrée. Très proche de la scène, voilà. Et comme ils sont debout, ils sont serrés, on se dit, oh les pauvres, on va faire quand même quelque chose d'assez dynamique hein, pour qu'ils bougent un peu la tête. New Morning, il y avait la possibilité qu'il y ait dans la fosse pas mal de gens debout. Finalement, il y a eu des chaises, les gens debout étaient derrière. C'était super, hein, ça a vachement bien marché. Mais des fois, surtout en club, quand on se dit, oula, vu le répertoire, c'est un peu dommage si tout le monde est assis. Donc c'est pas qu'on adapte, on joue pas forcément différemment, mais c'est vrai que ça donne pas la même énergie. Et des fois, on se dit, avec un répertoire comme ça, finalement, il faudrait pas qu'il y ait l'étiquette jazz. On va devoir s'adapter, je pense, désormais, si on continue un peu dans cette direction. Parce que, je l'espère, on sera susceptible peut-être de jouer devant des publics qui sont pas des aficionados du jazz et qui vont s'asseoir avec un Manhattan, un cocktail et... En fait, notre répertoire a du jazz, c'est juste parce qu'il y a de l'improvisation dedans. Ouais, en fait. Ouais. On n'est pas là en train de se dire on fait pas de swing, on fait pas tout ça. Le jazz, pour moi, le jazz, c'est ce pourquoi on est dans le répertoire jazz, c'est parce qu'il y a de l'improvisation et beaucoup d'improvisation. Ouais. Mais après, dans l'écriture, on n'est pas dans une écriture jazz, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des formats A, B, A, standard. On ne va pas chercher d'étiquette de style. Ouais. C'est juste que, voilà, vu qu'on interagit beaucoup les uns avec les autres, qu'il y a beaucoup d'improvisation, on est dans la catégorie jazz, mais après, il y a des trucs, on pourrait nous mettre dans des trucs électro, dans des trucs rock. dans les ça fait 40 ans que c'est comme ça. Que c'est comme ça, mais c'est pour mais ça. Mais c'est surprenant, je pense qu'on a. Déjà, le jazz, il est allé dans plein de monde. On a eu des gens au taquin, excuse-moi, qui sont venus. Il y a une nana qui a genre 22 ans qui vient me voir. C'est mon premier concert de jazz, mais je savais pas que je pouvais aimer ça. Oui, des fois, les gens disent, je pensais que j'aimais pas le jazz. Moi, je leur dis, c'est pas vraiment. Peut-être que c'est pas du jazz. Moi, quand je vous écoute, j'ai pas l'impression d'écouter du jazz. Bah non. D'écouter de la fusion. Mais il y a une chose aussi que j'ai envie de dire qui est dans ma vie à moi personnellement, je parle à mon nom vraiment, qui est magnifique et un cadeau de la vie, c'est qu'au-delà du fait qu'on soit des amis et qu'on joue cette musique et qu'on la fabrique ensemble et qu'on ait la chance de l'offrir à des publics, c'est qu'avec toute cette liberté qu'on a, comme Rémi dit, il y a beaucoup d'improvisation, mais en fait cette connaissance qu'on a les uns des autres à nous trois nous permet à travers l'improvisation de jouer ensemble des choses, alors que c'est presque télépathique, jouer des choses qui semblent écrites, où on s'embarque, on sait qu'on a le droit de le faire, et comme on a le droit de le faire, on y va à fond sur scène. Que des fois, on ne sait pas ce qui se passe, mais on se dit « Ah oh, bah ouais, hop, oh, ok, on y va ». Et là, bah, ça devient un truc qui va faire danser, bouger les têtes, et ça n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit. Et les gens, quand on leur dit après, il y a 80% du concert, c'était improvisé. Ils disent, non, ce n'est pas possible, comment vous faites? Mais en fait, on a nos signaux, mais justement, on se connaît depuis longtemps. Donc, comment vous faites? Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de vous voir dans un des deux concerts du Taquin que vous avez fait le mois dernier. On voit quelquefois des signes de tête, mais on n'en voit pas tant que ça. On voit quelquefois des clins d'œil, mais on n'en voit pas tant que ça. On vous voit vous marrer assez souvent les uns les autres, essayer de vous surprendre. Fred Protipré balançant un coup de caisse qui n'était sans doute pas prévu à ce moment-là, et les autres qui se fendent de la gueule. Il se trompe beaucoup. Voilà, c'est ça. Il ne le fait pas exprès. Mais apparemment, ça c'est très inspirant. Voilà. Mais apparemment, ça vous fait rire. C'est quoi les signes? C'est quoi la façon que vous avez de communiquer entre vous pendant les morceaux pour faire une musique que vous annoncez à 80% improvisée, ce que j'ai du mal à croire, mais en fait, vous me le dites. C'est pas loin, franchement. Sur un truc de 5, 6, un morceau de 5-6 000 calculs, je vais rectifier. J'ai dit 80% improvisé. Oui, 80% improvisé. Mais quand je parle de ce type d'improvisation, je reviens aussi sur ce que je disais, le fait qu'on se connaisse par cœur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une trame, il y a un chemin. Ce qui fait qu'on se raccorde, qu'on arrive à se connecter, c'est parce qu'on connaît nos réflexes et nos habitudes musicales, et on sait que par exemple, si le concert d'avant, il y a une chose unique, une nouvelle qui s'est passée, on en a parlé après, on se dit ouais, quand il s'est passé ça, et tout, on fait toujours le point après. Et on sait qu'à un moment donné où ça va revenir, cette chose, parce qu'on l'a faite et qu'on l'a validée quelque part, en fait c'est plutôt une écriture improvisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre sur le papier, on ne va pas réécouter un enregistrement, parce qu'on n'enregistre pas spécialement tous nos concerts. Mais ça rentre dans un casier. Si Max il va jouer un truc par exemple et que ça nous rappelle quelque chose, on sait ok, on peut aller dans cette direction. Et inversement, Fred il va faire un truc et on va se dire ah, ok, d'accord, ok, c'est parti. C'est la clé pour pas s'ennuyer aussi, hein, à la fois pour les musiciens, à la fois pour le public, parce que quand tu sens que des musiciens et ça le fait dans le jazz aussi, hein, moi je trouve, après peut-être pas dans le jazz même traditionnel où justement c'est basé sur des solos, mais tu vois, Abdou qui disait les solos, il y en a plein, même Dexter Gordon il les écrivait, les solos. Le propos que je veux dire, c'est que si les musiciens ils sont dans un truc où c'est une espèce d'autoroute permanent, dans leur attitude tu le ressens, je pense, en tant que public, et donc forcément tu fais chier, tu sais, nous on adore se surprendre en fait, et c'est ça qui est génial. C'est dingue parce qu'on parle de nous, on se dit on essaie en fait d'être un groupe de rock parce qu'on est soudés à la vie, à la mort. Le solo du guitar hero d'un groupe de rock qui a été enregistré sur un album mythique, quel qu'il soit, au concert devant 150 000 personnes, le mec, il ne faut pas qu'il fasse une note à côté. Ah ben oui. Moi, quand j'ai vu Pink Floyd à Montpellier, au U2, au Stade Vélodrome en 92, les mecs là, Gilmour et The Edge, s'ils font pas le solo ils se font huer. Et c'est terminé, quoi. Ouais, mais c'est triste, ça. Au Eagles Hotel California. Ah non, mais laisse tomber. Le guitariste de Eagles a changé le solo. L'audace. Mais il y a eu des lettres d'insulte dans Rock'n'Folk. Mark Knopfler, d'ailleurs, aux arènes de Nîmes. Alors là, ça change rien. Si c'était mon cas, je serais dans la merde. En clair, vous voulez dire que le rock, c'est conservateur. Ne nous fais pas dire ce qu'il faut une heure de plus. Écoutez-moi, monsieur Birac. Non, le rock, c'est salvateur. Je vous demande de vous arrêter. Oui, c'est ça. Bon, mais écoutez, salvatore, on va peut-être en rester là avec cette interview assez débridée, foutraque, et c'est parti dans tous les sens, comme d'habitude d'ailleurs avec, avec les trois. De, je me demandais pourquoi la dernière fois, ça s'était passé un peu plus tranquille, mais ils étaient que deux. Ils n'étaient que deux. RP3, donc, nouvel album, je vais le redire, Sun, Monkey et Voltage. Qu'est-ce que c'est encore ce nom d'album complètement Tu veux la vérité encore une fois Allez, c'est parti. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu. Pardon. En fait, on était en résidence de travail et tout ça, et puis il y a notre boîte de prod qui nous dit il faut un nom d'album. Tout de suite. Tout de suite. Et donc Fred, encore une fois, avec une formidable idée, nous dit bon les gars, j'ai une idée. À trois, on dit un mot chacun. Et donc voilà, Sun, Monkey, Voltage, d'accord, en même temps. Sun, c'est qui? C'est moi. Monkey? C'est Fred. Donc, c'est Fred. Voltage, c'est Max qui venait de brancher, voilà, de brancher sa basse électrique. Voilà. Voilà, comme quoi, tout est dans tout et, voilà, et la boucle est bouclée. Nouveau album de Rémi Panossian, Trio, RP3, Sun, Monkey, Voltage, sorti cet automne, toujours disponible, avec une magnifique version vinyle, avec du vinyle rose. Ouais. Alors, ça fallait oser. Ça fallait oser, bravo. Concert à Toulouse, prévu ou pas? Là, alors, vous avez quand même donné deux fois en un an, on ne vous voit pas avant 10 ans. Non, pas à Toulouse, mais on joue à Rabastens. Oh oui, c'est juste à côté. Le 14 avril. 14 avril, venez. Ouais, ouais, ouais. Dans quel cadre, à Rabastens? La ça, saison, c'est ça, je crois que ça s'appelle la saison de Rabastens. Ah ben ouais, ben très bien. Venez, ouais, c'est, en plus c'est super Rabastens. Ben ouais, c'est super, il y a... Comment? Oh ben on un ira, petit tour en Guadeloupe au resto et puis voilà, après on y va, quoi. Exactement. Et on prendra le même avion pour aller à la Guadeloupe et pour atterrir à Rabastens. Comme ça, tu pourras accueillir les, comment ça s'appelle, les asperges là, les, ah oui, tu nous avais parlé la dernière fois là, dans le Tarn là. Ah oui, qu'on mange avec du lard. Ah, les ripunchos. Les ripunchos. Mais c'est pas des asperges. Oh, mais non, mais je sais c'est, pas, des, moi. C'est des ripunchos. Oh, ripunchos, ripunchas. C'est trop bon, j'adore. En avril. En avril, ouais. C'est la saison. Eh ben, okay, c'est parti. Très bien. Je vous fais une poignée de ripunchos. Mais j'ai une maison, j'ai un endroit. J'ai ma super amie Najed Zougar qui habite juste à côté. Il est prévu qu'on aille manger un bout après. Ah, eh ben, bon, c'est la ripunchos partie. On fait une connexion entre ripunchos et le concert. Là, et on va faire un truc assez formidable. Et l'album, le prochain album va s'appeler Ripunchos. C'est latin. Ah oui, c'est latin. Res. C'est Res. Ripunchos, pardon. Bon, avec des lardons et de l'œuf, c'est absolument délicieux. Bon, bah, écoutez, on fera une soirée Respunchus et pour digérer, on viendra vous écouter. Ça se passe le 14 avril à Rabastens. D'ici là, vous avez cet album Sun, Monkey, Voltage. Et pour moi, c'est la dernière fois que j'interviewe RP3 et ça risque de me soulager un peu. Ils sont fatigants, ces jeunes gens. Merci beaucoup, en tout merci cas. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci, Joe. Merci, Fred et Max d'être passés ce soir ici. Et on va se quitter avec un deuxième morceau de cet album, Monkey Chicken. Pourquoi Monkey Chicken? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas, c'est une recette j'allais dire thaïlandaise. Non, la recette, c'est le morceau qui s'appelle Full Buddha. Ah, c'est ouais. Buddha entier. Ah. Monkey Chicken, c'est monkey, poulet, monkey, c'est du poulet. Voilà. Ah mais voilà, d'accord. Allez, et c'est parti. Voilà. RP3, Monkey mèche. Chicken, celle-là, elles viennent de très loin. Merci, messieurs. croyez que en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, donc vous l'avez compris, les concerts avec Rémi Panossian sur Toulouse, c'est pas pour tout de suite. Il y en a un à Rabastens aux alentours du 14 avril, c'est bien ça, hein, je me suis pas trompé. Et puis, des concerts, par contre, à Toulouse, il y en a plein, Et encore ce soir, il y en a une bonne dizaine à vous proposer. Ça commence au Taquin à partir de 21h, jazz et trance ce soir, avec les Pompiers, un quintet pratiquant une musique entre jazz, musique répétitive, expérimentation sonore. Il faut entendre par exemple le son parfois un peu contrarié généré par la contrebasse. Ce soir, c'est au Taquin à partir de 21h. À l'impro ce soir à 20h30, c'est jazz moderne avec Fibre, un jeune quartet toulousain explosif que j'ai déjà vu il y a deux mois au café adjacent. Café adjacent, je vous le rappelle, qui depuis a fermé ses portes craignant un arrêt administratif de la mairie. Ils ont préféré prendre les devants. N'empêche que le café adjacent ne fait plus de musique. Merci tonton Moumou. donc à l'impro ce soir à 20h30, c'est jazz moderne avec Fibre, jeune quartet plutôt explosif que l'on a déjà reçu dans cette émission il y a deux mois. Formation à suivre parce que musique intéressante. Tropicalisme ce soir à la Candela avec Toupie or not Toupie. Une formation qui, au-delà du jeu de mots, est absolument étonnante. C'est la réunion de 5 musiciens brésiliens vivant à Toulouse et qui fusionnent dans les règles du tropicalisme des années 70 au Brésil les styles et les esthétiques de la samba au rock et du bal populaire brésilien au funk. Donc tropicalisme, je vous dis, à la Candela ce soir à partir de 20h30. Le groupe, c'est Toupie or not Toupie. L'usine à musique ce soir programme quelques-uns des groupes qui utilisent leur box de répétition tout au long de l'année. Ce soir, ça sera très blues avec Afterlight et Blues Harvest. Au bijou, à partir de 21h30, Rakshak, en formule duo, piano-voix plus violoncelle, pour un répertoire entre musique créole et jazz. À noter que Rakshak faisait partie des coups de pouce du dernier festival des Tours de Chant. Théâtre ce soir à la CAFPO à 21h avec Télémaque, Enquête du Fils, par la compagnie Vorace, mise en scène Régis Goudet, variation anachronique et décalée du voyage entrepris par Télémaque, le fils d'Ulysse, parti à la recherche de son père. Salle du Cap, c'est juste à côté de la radio, ça, c'est sur le campus Paul Sabatier. Un concert plutôt groovy avec le super extra large Funky Fun Zone. Je vous jure, ça existe, ça, comme nom de groupe. Hein. Super extra large Funky Fun Zone. C'est un groupe gersois qui en profitera pour fêter la sortie de leur premier EP à partir de 20h30 et ce soir à la Salle du Cap sur le campus Paul Sabatier. Au Pavillon Sauvage, trois solos qui vont se succéder sur la scène de ce squat qui a été, j'allais dire, labellisé et plutôt laissé tranquille ces dernières années. Autour du jardin collectif, il y a toujours une salle de concert qui existe au Pavillon Sauvage. Et ce soir, on pourra écouter le vieux blues du Romain Bella Hall Freak, l'électro sombre de Mika Pousse. Et pour finir, les chansons entre rock et psychédélisme, sorte de Highbillies sous acide du Tchèque installé à Toulouse, Konda Ola, à partir de 20h, Konda Ola, dont on va écouter tout de suite Cass. C'est dans Caramel Mou. RP3 Trio sont en train de se marrer comme des dératés, mais n'empêche que Konda Ola, faut peut-être aller les voir ce soir au Pavillon Sauvage. Cass. Thank you. Čas je za oblena robina, čas je kulatý stůl, na kterým je hostina. A ty se všichni hosté najedí, vina či nevina, rudé skvrny od vína. Za stůl nový hosté, zase mnou. V kuchyni krůtě hlavu useknou. Někdo tančí, jiný se pableje. A starý ubrus nový přikryje. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout de t'enfler avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel! Bouh! Voilà, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir pour un nouveau numéro de la liste. Vous savez, la liste, un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler. Et la liste de demain, eh bien, ça sera celle qui est concoctée par Thomas Jiménez du groupe El Comunero. Dans quelques instants, retour de Little John qui va prendre le contrôle des platines de Campus FM pour un nouveau et génial et incredible Little by Little Weekend.